Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Françoise, Géraldine qui nous écoute en Espagne, Camille qui a 17 ans, trois auditrices ont chacune de son côté demandé à Franck Ferrand une émission sur Jeanne d'Arc. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ça tombait bien car je viens de terminer la lecture du livre de Philippe de Villiers, plus inspiré que jamais, vous allez le voir, vous allez l'entendre en tout cas. Après Charette et Saint-Louis, l'homme du Puy du Fou a redonné chair à une troisième légende de l'histoire de France. Je lui ai demandé de se joindre à nous cet après-midi afin d'évoquer, quand je dis évoquer, c'est au sens fort, la pucelle d'Orléans. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à Sophie de Saint-Nazaire sur l'origine de cette coutume qui consiste à baptiser les rues et les avenues du nom de personnalités. Eh bien ça, c'est une très bonne question dont la réponse n'est peut-être pas aussi évidente qu'on le penserait. Pour le moment, place à une haute figure de l'histoire française. Elle a donné son nom à quantité de rues, de places et de squares. Jeanne d'Arc nous attend. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est le grand paradoxe de notre Moyen-Âge. Jeanne, la pucelle, celle que les manuels scolaires appellent Jeanne d'Arc, est à la fois le personnage le mieux documenté de la période. Quand je dis le mieux documenté, c'est-à-dire qu'on a le plus grand nombre d'éléments, de sources, de documents, de témoignages, etc., d'archives sur le personnage. Et en même temps, celui qui présente le plus grand nombre d'énigmes et qui pose le plus grand nombre de questions. Allons au bout de cette idée, plus on connaît Jeanne et plus elle est mystérieuse. N'est-ce pas, après tout, ce qu'on attend d'une grande figure symbolique ? Elle est entre terre et ciel, entre quotidien et solennité, elle est entre humain et surhumain. Et puisque je prononce ce mot de surhumain, vous allez voir que mon invité n'hésite pas à l'employer lui aussi. Je dis qu'elle est pleine de mystères, elle est pleine aussi d'idées fausses. J'avais pour coutume autrefois de commencer un certain nombre de conférences en donnant cette espèce de résumé de la vie de Jeanne d'Arc. Il était une fois, disais-je, une petite bergère illettrée de Lorraine qui était allée bouter l'anglais hors de France. Et je disais que rien que dans cette phrase, il y avait un grand nombre d'erreurs. Une petite bergère, vous savez qu'au procès de Rouen, par deux fois, elle va nier avoir été bergère. Elle dit qu'elle ne gardait pas les animaux du tout. Illettrée, eh bien, elle a pu prouver à plusieurs reprises qu'il n'en était rien, qu'au contraire, elle était alphabétisée, qu'elle écrivait même, plus ou moins. En tout cas, elle pouvait signer, ça c'est incontestable. Lorraine, elle n'était pas du tout Lorraine, puisqu'elle était des marches de la Lorraine, du Barrois, ce qui change tout. Et ce qui d'ailleurs, à mon avis, explique une grande partie de l'histoire de la pucelle, comme on l'appelait. Et puis alors, qui est allée bouter l'anglais hors de France, elle l'aurait peut-être bien voulu, mais ça n'était pas son objet ni sa mission. Son but était de restaurer le dauphin dans sa pleine légitimité, ne l'oublions jamais, et les Anglais, ils ne partiront que bien, bien plus tard, notamment après la dernière grande campagne de Charles VII, et ça c'est bien après la mort de Jeanne d'Arc, bien entendu. Alors, le personnage est donc plein de mystères. Le premier de ces mystères, c'est celui de son enfance. Qui était Jeanne? D'où nous vient-elle? Où est-elle née? Surtout quand? Même sur ce sujet-là, les historiens divergent. La plupart se mettent d'accord sur l'année 1412. On admet qu'elle pourrait être née en 1412. Ça ne procède pas directement de la documentation, ça. Simplement, on fait des recoupements et des, comment dit-on, des déductions. Puisqu'elle affirmait au moment de son procès en condamnation à Rouen, elle affirmait être âgée de 19 ans environ. Bon, mais ça permet de calculer qu'elle serait née en 1412. Le fait qu'elle disent par contre qu'elle a 19 ans environ, montre aussi qu'elle ignore elle-même la date exacte de sa naissance, ou qu'en tout cas, diront certains, elle feint de l'ignorer. On pourrait dire en tout cas qu'elle a environ cet âge-là, et donc elle est née alors entre 1409, diront certains, et 1415, affirmeront les autres. Le registre paroissiale de sa ville de naissance, et qu'elle est née à Domrémy, bien entendu, ce registre n'existe plus. La fratrie comptait 5 enfants. Elle a une sœur, sa bien-aimée, que l'on voit parfois dans les films qui lui sont consacrés et à laquelle, à mon avis, on n'a pas réservé jusqu'alors toute la place qu'elle méritait. J'en parlerai dans un instant avec Philippe de Villiers. Alors, Jeanne, ça c'est un prénom extrêmement courant à l'époque. À peu près le tiers même, dans certaines régions, la moitié des petites filles de cette génération s'appellent Jeanne. Vous imaginez, c'est vraiment le nom le plus courant à l'époque. Au XVe siècle, dans le premier récit qui lui est consacré, qui va donner naissance plus tard à la légende dorée, Perceval de Boulainvilliers nous dit « L'enfant naquit dans un petit village sur la frontière le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. » Ah, début de la grande légende. Elle serait née le jour des rois, en quelque sorte. Une joie immense et d'origine inconnue envahit alors le cœur des paysans et le coq chanta à 2 heures. Et on raconte aussi qu'à sa naissance, il y aurait eu des prodiges, du tonnerre, tremblement de terre, flammes, tout signe d'ardeur et renouveau, dit Boulainvilliers. Vous voyez qu'on est très tôt dans la légende, bien entendu. Je doute beaucoup qu'il y ait eu du tonnerre et des flammes pour célébrer au ciel la naissance de Jeanne d'Arc. Qui sont ses parents? Eh bien, il faut insister peut-être un peu là-dessus. Bien sûr que ce sont des paysans, ça personne ne va vous dire le contraire, mais ce ne sont pas de si pauvres paysans qu'on a bien voulu le dire. Il ne faut pas oublier que le père Jacques Dard, alors ça s'écrit de toutes les façons possibles, hein, que ça finit par un T, par un C, avec ou sans apostrophe, peu importe, à l'époque il n'y a pas de toute façon d'orthographe des noms propres, est un notable. Il est le percepteur du village, il est doyen de sa communauté de Don Rémy, donc c'est un petit peu le sage et le notable local, si vous voulez. Quant à la mère, Isabelle Romée, son nom, son patronyme nous indique d'ailleurs qu'elle a fait elle-même le voyage, le pèlerinage au puits, c'est certain, et peut-être même jusqu'à Rome. Cette Isabelle Romée est issue d'une famille, elle, carrément plus élevée. Elle est carrément de bonne famille. Alors, c'est un bon couple, hein. C'est un ménage tout à fait stable, uni, dans le souci de bien élever les enfants, nous dit-on. Des laboureurs aisés sans pour autant être riches. Et il faut bien insister là-dessus. Colette Beaune, vous voyez que je ne suis pas rancunier, je cite volontiers Colette Beaune qui est la grande spécialiste de la question et de Jeanne d'Arc. Je dis je ne suis pas rancunier parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec moi sur le rôle qu'a pu jouer Yolande d'Aragon dans cette affaire. En tout cas, Colette Beaune nous dit que précisément, on a cherché à présenter Jeanne plus pauvre qu'elle n'était en réalité. On est dans une famille catholique, ai-je besoin de le préciser pour cette époque, extrêmement pratiquante, je vais plus loin, extrêmement fervente, et ça, en revanche, c'est une clé essentielle pour aborder notre personnage. Un extrait de la bande originale de Jeanne d'Arc de Luc Besson. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Jeanne d'Arc, à la toute jeune fille qu'elle était. Alors, cette petite fille ne naît pas véritablement en Lorraine, vous avez bien compris qu'elle naît, en tout cas pour ce qui est de Don Rémy, elle naît précisément du côté barois. L'essentiel du village est au sud du ruisseau autour de l'église du château de Lille et dépend donc du barois mouvant, alors que le nord, lui, évidemment, ce pourrait être rattaché à la Champagne. On est dans le bailliage de Chaumont-en-Bassigny, dans la prévôté d'Andelot. C'est ce qu'en tout cas les juges du procès en condamnation, les juges de 1431, vont établir à l'issue d'une enquête administrative extrêmement pointue. C'est intéressant quand même, parce qu'évidemment, lorsque vous saurez que le barois en question se trouve directement administré par le fils de ma fameuse Yolande d'Aragon, vous comprendrez mieux pourquoi on s'est écharpe sur la question et pourquoi on cherche à savoir exactement à qui rattacher ce tout petit domaine finalement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans dans une période, on sort des périodes féodales, l'État est en train de se constituer, les différents domaines sont encore mouvants, ils sont extrêmement morcelés, et la carte administrative de l'époque, si je puis dire, surtout sur tous ces confins est du Royaume de France, est extrêmement complexe. Alors, elle naît dans cette maison qu'on connaît. Alors, vous savez que certains mettent en doute, on met tout en doute, mais certains disent que c'est pas la véritable maison de Jeanne d'Arc. Toujours est-il que c'est la maison qu'on visite à Domrémy, qui a fait l'objet de restaurations, à mon avis, un peu fortes, d'ailleurs, il y a quelques années maintenant. J'avais eu l'occasion de m'étrangler en direct au micro à l'époque. Elle va grandir, Jeanne, dans une période extrêmement troublée, qui est une période de guerre civile, avec une violence quasiment omniprésente. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Elle n'a que 8 ans. Si donc elle est née, comme nous l'avons dit, en 1412, elle n'a que 8 ans au moment où la reine Isabeau de Bavière tient littéralement la main de son pauvre mari, le roi fou Charles VI, et lui fait signer ce qu'on appelle le honteux traité de Troyes, qui prévoyait le transfert pur et simple de la souveraineté au profit du roi d'Angleterre. Vous avez un royaume, si vous voulez, qui est coupé en trois. Vous avez, bon, bien sûr, la France, qui reste fidèle à la dynastie capétienne, avec beaucoup de mouvements et de difficultés, il faut le dire, parce que évidemment cette dynastie capétienne est mise en grand danger. Le fils de Charles VI, Charles VII en l'occurrence, n'est pas encore couronné, il va être un dauphin particulièrement malmené. Et puis vous avez les Anglais qui occupent toute une partie du royaume, on va dire en gros toute la face ouest, et notamment la Normandie bien sûr, et viennent se greffer là-dessus les Bourguignons bien sûr. Et ces Bourguignons occupent eux aussi des parties non négligeables du territoire. Ils sont d'ailleurs, ils ont la base même, c'est le Grand-Duché d'Occident, et c'est cette Bourgogne extrêmement puissante qui, à l'époque, fait figure d'État le plus puissant des trois. Donc, une période très troublée, il n'y a pas d'école à Domrémy, ni à Greux d'ailleurs, juste à côté. L'école la plus proche, elle est située à Maxey-sur-Meuse. Elle est attestée certes depuis 1369, et cette petite école, comme on appelait ça à l'époque, enseigne aux fils des paysans importants quelques rudiments de lecture, de morale, bien sûr de catéchisme, mais vous doutez bien que Jeanne n'a pas appris, en tout cas pas à l'école, à lire et à écrire. Quand est-ce qu'elle l'a appris et comment, ça c'est une autre histoire. Elle était femme, dit Colette Beaune, lire et écrire ne servait à rien à qui était destiné à simplement tenir une maison et procréer. Ça ne l'empêche pas d'être très pieuse, de connaître très bien toutes ses prières. Prosper de Barante nous dit sa dévotion et sa sagesse édifiaient tout le canton. Elle allait bien sûr à la messe tous les dimanches. On sait qu'elle a été confirmée de la main même de l'évêque de Toul. Elle confessait, elle communiait à Pâques dans l'église paroissiale. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Elle mène sans doute la vie d'une petite paysanne de l'époque, tout simplement. Je grandissais. J'avais la voix fragile, lente, timide et tranquille, lui fait dire Philippe de Villiers qui, comme à chaque fois nous en avons pris l'habitude maintenant, fait dire « je » à son héroïne. Je me sentais pourtant forte et bien compassée de mes bras, avec de la gaieté au cœur et de l'entrain dans le caractère. J'aimais rire. Quand j'atteignis l'âge de pleine discrétion à 12 ans, j'appris à danser, à chanter. J'aimais courir dans les prairies. J'aime bien le terme qu'emploie Philippe de Villiers, le terme débattement. C'est ça, on est encore dans un langage qui a toute la saveur, tout le suc de l'époque médiévale. À ses 13 ans, Jeanne se met donc à entendre des voix. Alors là encore, entendons-nous pour le coup. On nous parle toujours de voix, c'est pas tout à fait la vérité, en tout cas c'est pas ce que Jeanne elle-même dira. Elle dit qu'elle a des conseils, qu'elle les voit, donc elle ne fait pas que les entendre, elle les rencontre d'une certaine manière. Oh, je ne résiste pas au plaisir de plonger dans le roman de Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers. Ce jour-là, du mois d'août, m'enveloppa une grande clarté. La lumière n'était pas celle du soleil qui donnait à pic, elle venait du côté dextre de l'église. Soudain, une voix me parle, suave, douce, profonde, je suis ébloui. Je me lève, je prends peur. Je reste comme hors de moi, effrayé. La voix insiste, est-ce à moi qu'elle s'adresse? Sans doute, puisqu'elle m'appelle Jeanne, Jeanne. Oui, c'est moi, je me retourne, personne. Ai-je rêvé? Alors, dans une nuit étincelante, se dessine une armée d'anges du ciel, toutes blancs vêtus, et au milieu d'eux, un archange sourit. Je m'enfuis en courant, j'entre dans la maison, je tremble, je me blottis dans la chambrette. Est-ce de Dieu? Est-ce du diable? Je sais que les anges gardiens fuient les pécheurs comme les abeilles la fumée. Suis-je en état de grâce? Ne suis-je qu'une pécheresse? N'aurais-je été que le jouet d'un songe ou plutôt d'un mauvais esprit? Cette vision, qui n'est sans doute qu'une fantômerie, ton imagination trop ardente, voilà ce que ma famille me dira. Mes frères, ma sœur, ma mère, mon père, je les entends déjà, alors je me tais. Le lendemain, aux 12 coups de midi, j'observe le ciel. Rien. C'est le surlendemain que revient la grande clarté des anges. Je les vois avec les yeux de mon corps. Je prends soin de regarder l'être radieux qui conduit la nuit angélique. Il a l'aspect d'un vrai prud'homme. C'est le prince des archanges, l'archange du premier rayon. Je le reconnais à son parler tout céleste. Il ressemble au vitrail du cœur de l'église avec son mantel rouge. Bientôt, il se nomme à moi. Il m'enseigne et me montre tant de choses que je n'ai plus de doute. Il m'apprend à me gouverner, à fréquenter l'église. Ma sœur Catherine m'observe avec stupéfaction. Elle se désole, elle voit que je ne suis plus à mon ouvrage, que je laisse traîner mon rouet dehors, que je ne mange plus. Je n'ai jamais eu de secret pour elle. J'essaie de lui parler, mais elle secoue la tête en murmurant « Jeannette, sans doute te seras-tu endormie, debout, le soleil frappe si fort. Tout le monde devient folle dans ce royaume. Roi, folle, folle fille !» Le premier sentiment autour de Jeanne, vous l'avez compris, c'est celui de l'incompréhension. Et Prosper de Barante nous dit « Ces visions n'avaient rien de terrible pour Jeanne. Elle les désirait plutôt qu'elle ne les craignait. » Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail sur europe1.fr. Dans un court instant sur Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Jeanne d'Arc. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a presque 17 ans, semble-t-il, lorsqu'elle va prendre, et ça c'est une initiative d'une audace folle, lorsqu'elle va prendre la direction de vos couleurs. C'est très important, vos couleurs est une des 3 places qui soit encore française sur ces confins orientaux d'un royaume maltraité, je vous l'ai dit, par les Anglais et par les Bourguignons. Le capitaine de la place, qui est fidèle à la cour de Bourges, hein, où se trouve donc ce dauphin, le futur Charles le 7, c'est Robert de Baudricourt qui voit arriver devant lui cette jeune fille habillée toute rouge. Elle est accompagnée par son cousin qu'elle appelle mon oncle, qui est le cousin du Durand Laxart, qui est un cousin du côté de sa mère. C'est une robuste brunette, nous diront un certain nombre des témoins lors du procès de réhabilitation. Elle mesurait, semble-t-il, environ 1m60, pour autant qu'on puisse savoir. Et Jeanne, d'emblée, alors il y a eu tellement de pièces de théâtre, de poèmes, de toutes sortes de choses et de, bien sûr de films sur le sujet qu'on a l'impression d'avoir vécu ça constamment, mais c'est tellement fort. Elle arrive, elle se plante devant Baudricourt, elle lui dit qu'elle est venue, je cite, à lui de la part de son seigneur pour mander au dauphin qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse pas la guerre à ses ennemis, car le seigneur lui donnera du secours avant la mi-carême. Elle vient de la part de son seigneur, mais Baudricourt lui demande « Quel est ton seigneur ?» « Le roi du ciel, » répond-elle. Et là, Baudricourt n'en croit pas un mot, bien entendu. Il semblerait qu'il l'ait d'ailleurs souffleté. En tout cas, il la renvoie chez son père. Son père furieux. Vous imaginez le bonhomme d'art lorsqu'il voit rentrer sa Jeanne, qui était partie toute seule avec le cousin Durand Laxart, et qui revient comme ça après avoir été dérangé, le capitaine de la province. Il est tellement en colère que, semble-t-il, il aurait même menacé de la noyer. On murmure à Don Rémy, on se demande ce qu'elle a, hein, cette petite qui ne se contente plus d'entendre des voix, mais qui maintenant veut carrément jouer un rôle. Et elle n'en parle pourtant qu'à très peu de monde de ces fameux conseils qui sont Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ça, on ne le saura que bien plus tard lorsqu'elle en parlera justement au docteur en théologie au moment de son examen de Poitiers. Donc, disons-le, ce premier essai est un échec. Or, va passer là-dessus l'été 1428 avec ses ravages. Il faut vous dire que le sire de Vergy, qui est le gouverneur de la Champagne pour le compte du roi d'Angleterre, se met à ravager cette région et il brûle Dom Rémy et notamment l'église de Dom Rémy. La famille d'Arc ou d'Arc émigre pas très loin de là, à Neuchâteau. Et voilà qu'au printemps suivant, je passe un peu vite évidemment, voilà qu'en janvier 1429, Jeanne récidive, de nouveau elle dérange son oncle, comme elle l'appelle, et elle veut aller absolument à Chinon, où réside la cour. Elle veut y aller jusqu'à y user ses jambes jusqu'aux genoux, dit-elle. Elle a là un vaste programme. Il s'agit de voir le dauphin, de délivrer Orléans, de faire sacrer ce dauphin pour en faire le roi Charles VII, et de libérer le duc d'Orléans. Ça aussi, c'est très intéressant et c'est important. On n'a peut-être pas toujours suffisamment insisté sur cette espèce d'obsession de Jeanne qui est toujours avec et chez les Orléans quelque part et qui veut aller délivrer ce roi prisonnier en Angleterre. Alors, elle arrive donc pour la deuxième fois à Vaucouleurs. Elle est hébergée par Catherine Royer, qui est la femme du maréchal Ferrand. Le temps lui durait comme à une femme enceinte, dira cette femme lorsqu'on fera le procès en réhabilitation. Je précise procès en condamnation et procès en réhabilitation, parce qu'il y a eu ces deux grands événements. Évidemment, le procès qui s'est tenu à Rouen et qui a abouti à la condamnation de Jeanne, on va y venir dans un instant. Et puis, plusieurs années plus tard, une sorte de grand procès pour réhabiliter Jeanne, pour lui rendre tout son honneur et qui a vu témoigner un grand nombre de ceux qui l'avaient connue et en partie accompagnée. Et c'est grâce notamment à ce procès en réhabilitation qu'on possède beaucoup d'éléments très concrets sur elle. Sa piété faisait l'admiration de toute la ville, donc on parle là de Vaucouleurs, c'est Prosper de Barante qui nous le dit. Elle passait les journées à l'église en fervente prière, elle se confessait sans cesse, elle communiait fréquemment, elle jeûnait avec austérité et toujours elle continuait à dire qu'il lui fallait aller vers le noble dauphin pour le faire sacrer à Reims. C'est à la forge qu'elle va faire la connaissance de ceux qui vont devenir ses partisans, Bertrand de Poulengy et Jean de Neuvelompont, qui sont des lieutenants de Robert de Baudricourt, mais dont il faudrait aussi préciser qu'ils sont directement rattachés, eux aussi, au fils de Yolande d'Aragon, c'est-à-dire au duc de Bar. Le capitaine de Baudricourt ne peut pas faire autrement que la recevoir. Elle lui demande toujours cette aide, et là, il a atermoie Baudricourt. C'est très intéressant de voir son changement d'attitude. Que s'est-il passé entre ces deux séjours? Pourquoi, après l'avoir si mal reçu la première fois, se montre-t-il la seconde tellement bienveillant d'une certaine manière? Vous avouerez que ça pose des questions, mais on n'est qu'au début de nos questions et de nos interrogations, puisqu'encore une fois, voilà bien un sujet, toute cette vie, toute cette épopée impensable de Jeanne d'Arc qui est littéralement tissée de mystères, d'énigmes, de questionnements, de choses étranges, bien entendu. Alors il se trouve qu'à cette époque, le duc de Lorraine est malade. Attention, le duc de Lorraine, c'est toujours c'est le beau-père de René d'Anjou. Le fils de Yolande d'Aragon a épousé la fille du duc de Lorraine. C'est lui qui est malade et il va demander à Jeanne de venir à son chevet comme si elle était une guérisseuse. Encore un grand mystère. Pourquoi cela? Puisqu'elle n'a jamais prétendu de près ou de loin posséder le moindre pouvoir de guérison. Elle ne dit pas qu'elle sait guérir. Elle ne l'a jamais prétendu du tout. D'ailleurs, on ne l'a jamais utilisé pour ça. Alors pourquoi le duc la fait-il appeler? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle va partir. Elle va faire le voyage jusqu'au duc. Elle va d'ailleurs à cette occasion rencontrer, il faut bien le préciser, elle va rencontrer René d'Anjou. Tout ça nous interroge, hein, c'est quand même assez étrange. Et c'est lorsqu'elle rentre seulement, alors là oui, qu'elle va prendre qu'elle va se mettre en chemin, se mettre en route au milieu d'une petite troupe de chevaliers. Ils sont là, ces deux anges gardiens, il y en a un certain nombre d'autres, il y a même un écuyer carrément de la maison royale qui va les guider à travers cette France en guerre. Elle est déjà sur le chemin de Chinon, elle avait de la suite dans les idées, vous verrez qu'elle n'est pas au bout de ses promesses et que toutes ses promesses, c'est le plus étonnant chez cette femme tellement inouïe, c'est qu'elle va les accomplir. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. C'est toujours très frustrant d'évoquer Jeanne d'Arc parce qu'il y aurait tellement de sujets. On est toujours obligé de survoler les choses, de ne faire que les effleurer. Avec vous, si vous le voulez bien, je vais revenir sur un certain nombre des aspects de cette saga tout à fait incroyable, la plus passionnante de notre Moyen-Âge. De la bande originale de Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Jeanne d'Arc est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Philippe Devilliers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Jeanne d'Arc aux éditions Albin Michel. Alors, je m'y attendais, bien entendu, Philippe Devilliers. Ils sont très nombreux, les auditeurs qui veulent en savoir davantage. Ça arrive par message sur Twitter, notamment. Lyon nous dit je viens de voir la maison à Don Rémy sur Internet, d'apparence modeste malgré la restauration. Certes, on ne voit que l'extérieur. Certains historiens, demande Claudine, prétendent qu'elle serait la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Enfin bon, je ne vais pas répondre, évidemment, à toutes ces questions parce que je vous assure qu'on n'en sortirait pas. Rien que sur la question de la naissance de Jeanne d'Arc, de sa date de naissance, on pourrait faire une émission complète et même au-delà si l'on voulait. Donc, ce qui me paraît plus intéressant, si vous êtes d'accord, c'est d'essayer de cerner le sens de ce personnage, ce que vous faites dans votre roman de Jeanne d'Arc, très inspiré. On peut dire que le personnage vous plaît, ça se sent tout de suite. En réalité, quand on n'a pas connu le personnage, on va rechercher son aura. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui reste de Jeanne d'Arc? Il reste les grands historiens que j'ai rencontrés, dont Colette Beaune, Philippe Contamine et les autres. Merveilleux Philippe Contamine. Et après, je me suis dit, comment je vais pouvoir me mettre dans la peau de Jeanne d'Arc? Il faut que j'aille sur place. J'ai longé les rivières où j'ai essayé de rattraper l'écho de ses chevauchées. Je suis allé respirer là où elle a respiré et je me suis aperçu très vite qu'il reste partout quelque chose de Jeanne d'Arc, partout où elle est passée, un gazouillement, un soleil levant, une brume vespérale, et pour recomposer ses humeurs. Parce que ce que je voulais, c'était mettre Jeanne d'Arc à la portée des jeunes générations et donc lui rendre son humanité, retrouver la vérité de ses émois, de ses éblouissements, de ses désarrois, et donc déposer la tapisserie, parce que depuis trop longtemps, même si elle n'a pas de visage, on la regarde comme séraphique tout en haut des tapisseries, des tentures sacrées, comme une sainte dans l'enluminure. Et en réalité, Jeanne, elle est d'une vérité simple. Tout à l'heure, vous citiez un de mes chapitres du roman de Jeanne d'Arc. Elle aimait courir, elle aimait lire. Bien sûr, elle était fervente, mais c'était une petite fille comme les autres petites filles, c'est-à-dire elle aimait tout ce qui dansait, tout ce qui chantait, elle aimait les fleurs, elle est née, elle a grandi dans la vallée des couleurs, de vos couleurs. Et donc, oui, il faut insister. C'est un des nombreux aspects, mais c'est vrai que tous les témoignages nous disent qu'elle aimait la vie, qu'elle aimait les belles choses. Il ne faudrait surtout pas essayer d'en faire une espèce de sainte extatique. C'est pas ça du tout. Exactement. On sait que par exemple, lorsque le roi, après son sacre, lui donne une gratification, c'est le moins qu'on puisse espérer, évidemment, après tout ce qu'elle avait fait. La première chose qu'elle fait, c'est s'acheter une huque d'or. On dirait aujourd'hui une jolie robe, quoi, tout simplement. Ce qui prouve qu'il y a quand même, ça reste une femme qui aime la vie, les choses. Hein. C'est pas un esprit désincarné. Et là, il y a une raison très précise. C'est que sa mère lui apprend à tirer l'aiguille, à tourner les fuseaux. Le travail de la laine. Elle aime la laine. Souvent, elle respire la laine. Même à Orléans, elle est dans la salle de parement chez Jacques Boucher. Elle prend sa couverture de laine, elle la respire. Elle aime. Et elle voit passer les tissus entre la Bourgogne et la Flandre sur la route de Neuchâtel. Et donc, elle a été fascinée par ces riches étoffes, en fait. Voilà. Et donc, en fait, quand elle entre dans la salle du trône, la première chose qu'elle regarde, ce sont les tissus. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Et elle pense à Oviette et à Mangette. Ah, si elles étaient là, qu'est-ce qu'elles diraient? Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces tissus? Je n'en ai jamais vu comme ça. Donc, c'est une fille qui aime la vie. Et ce qui m'a fasciné en travaillant sur toute la tradition orale de tous les lieux où je suis allé pour la retrouver, ce qui m'a fasciné, c'est que, en réalité, les voix, donc l'intervention du ciel, entre dans sa vie d'une manière naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ordinaire et l'extraordinaire. On bascule de l'ordinaire dans l'extraordinaire d'une manière naturelle. Elle file, va garder les troupeaux sur la veine pâture, elle s'approche de la Meuse pour danser, et puis tout à coup, elle a ses voix. C'est-à-dire que le ciel trame sa vie de manière ordinaire. C'est une jeune fille inspirée, mais qui continue à vivre comme une jeune fille de son âge. Et ensuite, c'est ce qui va lui permettre de devenir un vrai chef de guerre. Parce que c'est une paysanne. Et comme c'est une paysanne, elle sait ce que c'est qu'une muse dans un buisson. Elle sait qu'elle connaît les distances de manière instinctive. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre à disposer l'artillerie. C'est comme ça qu'elle va apprendre à passer un guet, à traverser à mi-corps dans une eau glacée. Parce que c'est une paysanne. En fait, tout... C'est ce qui fait qu'elle monte si bien à cheval, par exemple? C'est ce qui fait qu'elle monte si bien à cheval, puisque elle le dit lui-même, elle-même, elle monte sur les roussins, les bidets, elle va accrue sur les chevaux de labour. C'est son père qui veut ça, parce que les filles doivent apprendre à monter à cheval. Et c'est ce qui fait la stupéfaction du beau duc lorsqu'il lui apprend à courir les lances. Il y a un aspect très important, peut-être, dont il faut parler, c'est que Don Rémy, elle va dans son église, qui est juste à côté de sa chambrette, elle a juste à enjamber le clos du cimetière. Et là, le curé, au catéchisme, lui dit, Don Rémy, Jeannette, Don Rémy, Don ça veut dire Monseigneur, Monseigneur Saint Rémy. Donc tu es là dans une église dédiée à cet évêque qui a sacré le premier roi des Francs, Clovis. Et c'est, alors elle demande, et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi, par la nature, est roi, mais surtout par l'onction, il devient le lieutenant du royaume, le lieutenant du roi des cieux. Et elle comprend ce qu'est l'onction sacrée, ce qu'il fera dire plus tard devant tous les capitaines. Dunois, Xaintrail et les autres, la Trémouille et tous les autres, si vous allez en Normandie plutôt qu'à Reims, il y aura une victoire normande. Mais si vous allez au couronnement avec le roi, alors ce sera beaucoup plus que ça. Charles de Valois recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. On est quand même là dans quelque chose qui ressemble à une grande légende, Philippe de Villiers. On est loin du quotidien de la petite Jeannette de Don Rémy. Ben, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la petite Pastour devient chef de guerre. Vous rendez compte, les capitaines, le conseil de cour, disent à Charles le VII, le gentil dauphin, vous n'imaginez pas, sire, que les gendarmes puissent un jour obéir à cette devineresse, à cette petite jeune fille, à cette pucelle. C'est impossible. Est-ce que vous imaginez la réaction des Français et des Français reniers, c'est-à-dire les Bourguignons, quand ils vont apprendre que vous avez remis votre sort entre les mains d'une bergerette, d'une petite jeune fille? Et donc le conseil de cour, les gens comme Regnault de Chartres, l'archevêque de Reims, ou la Trémouille, bien sûr, surnommé le Gros Georges, qui sont des gens extrêmement sérieux et qu'on appelle des habiles et des prudents, quand ils voient arriver la jeune fille à Chinon et qu'elle demande un étendard, une armure et une maison militaire qu'on appelle un état, ça suscite une jalousie effrayante. Bien entendu, et aussi une stupéfaction. Ce qu'il faut dire, c'est que son arrivée avait été annoncée. Il y a des prophéties, il y a un certain nombre de légendes qui courent déjà et qui l'annoncent, qui vont au-devant d'elle d'une certaine manière. La fameuse prophétie qui va décider durant l'accès... Dite de Merlin. Alors, la fameuse prophétie dite de Merlin, alors, moi je l'ai retrouvée dans les textes originaux dans les années, à partir de 1420, c'est à partir du traité de Troyes. Hein, le traité de Troyes, qui est une sorte de traité de Maastricht, c'est-à-dire que Isabeau de Bavière trouve que la charge de la souveraineté est trop lourde, donc elle la transfère aux Anglais. Et à partir de 1420, on entend partout ceci, le royaume de France a été perdu par une femme et sera sauvé par une jeune fille des marches de Lorraine. Voilà, donc ça paraît quand même une sorte de... C'est annonciateur de ce qui va se passer. Oui. Pour elle, ça va être plus facile d'une certaine manière. On va l'identifier immédiatement à cette pucelle de la prophétie. C'est ce qui fait que dès son arrivée à Vaucouleurs, alors qu'elle n'a pas convaincu et qu'elle ne peut pas convaincre Robert de Baudricourt, elle est reconnue dans la rue, elle est acceptée dans la rue. Elle est portée dans la rue. La population est plus confiante que le capitaine lui-même. Mais partout, en fait. Mais jusqu'à la fin. Les élites ne reconnaîtront pas Jeanne d'Arc. Mais le peuple la reconnaît, la porte et la pleure et la soutient. Et chacun veut baiser son annelle de laiton qu'elle a reçu pour sa communion de son père et de sa mère, sur lesquels il est écrit « Jésus-Maria ». Il y a quand même parmi les élites des gens qui ont très bien compris et qui vont essayer de la soutenir et qui vont même se placer sous son étendard dans peu de temps. Il n'y a pas eu que des opposants, loin de là, loin de là. Mais ça s'est passé de manière très compliquée parce que quand elle arrive à Orléans, elle constate que les capitaines l'ont trompée puisqu'ils lui ont dit on arrivera par la Beauce, ce qu'elle avait demandé, et on arrive par la Sologne. Ensuite, elle constate au bout de 3 jours qu'elle est invitée, elle n'est invitée nulle part. À aucun conseil. Et puis enfin, elle voudrait attaquer tout de suite, attaquer la Bastille où est Talbot, et on lui dit c'est pas possible, faut patienter, faut attendre le retour des arbalétriers, vous connaissez rien à la guerre, etc. Et elle dit vous n'entendez pas ce que dit le peuple dans la rue ce matin quand je suis allé à la messe, j'ai entendu les gens. Vous savez ce qu'ils disent les gens? Ils disent que vous les capitaines, vous voulez faire durer la guerre parce que les capitaines en vivent. Alors que les citadins, eux, ils voudraient abréger la guerre parce qu'ils en meurent. Ce sens de la formule extraordinaire, dont on ne sait plus bientôt s'il appartient à Jeanne elle-même, et Dieu sait qu'elle en a eu de belles formules, ou à Philippe de Villiers, dont c'est quasiment une seconde nature. Un extrait du Carillon de Vendôme, comptine française du XVe siècle. Nous parlons de Jeanne d'Arc cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou, auteur du roman de Jeanne d'Arc aux éditions Albin Michel. Vendôme. Ce roman, il existait, si je puis dire, en trame, Philippe de Villiers, et vous avez brodé sur cette trame avec des fils de haute couleur. Il faut dire que c'est très truculent, c'est très savoureux ce que vous écrivez, comme souvent. Il y a là un texte qui nous plonge complètement dans le 15e siècle. Vous êtes déjà à Orléans, j'aurais bien aimé moi qu'on revienne un tout petit peu à Poitiers. C'est pas parce que je suis originaire de Poitiers, c'est parce que c'est là qu'a eu lieu un épisode absolument essentiel, c'est la confrontation de Jeanne au docteur de la faculté de théologie de Paris, en tout cas ceux qui encore une fois avaient suivi, voulaient bien obéir à la cour. Elle est face à ces grands savants qui lui posent toutes sortes de questions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle leur tient parfaitement tête. Oui, alors là, elle se trouve dans une salle très basse, chez Maître Rabateau, qui est avocat au Parlement royal. Elle est sur un banc, et en face d'elle, elle voit des hermines, des étoffes écarlates, et voit l'archevêque de Reims, hein, qui est en exil. et qui préside le jury. Elle voit des juges qui ont la bouche de travers. C'est pas tout à fait un procès, hein, c'est un examen, on va dire, un examen théologique. Un examen avec des juges qui changent tout le temps, mais c'est quand même des juges. Ce que je veux dire, c'est que le but n'est pas de la condamner ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de voir, comme on dirait vulgairement, de voir ce qu'elle a dans le ventre, d'essayer de comprendre à qui l'on a affaire, en fait. Et peut-être aussi de lui donner la légitimité qui, pour l'instant, lui fait encore défaut. C'est possible aussi. En réalité, les juges, ils ont une mission royale, donnée par le roi. Vérifiez-moi tout ça. Voilà. Voilà. Hein. Et donc, elle subit un double examen, un examen mental et un examen physique. Alors, examen mental, on lui demande de raconter son histoire, à nouveau, parce qu'elle l'a déjà raconté à Chinon, au roi. On lui demande pourquoi elle porte l'habit d'homme qui est interdit par le Deutéronome, parce que c'est abominable à Dieu. Alors, elle répond ceci, cette phrase que vous connaissez peut-être. Vous croyez que j'invente, mais j'invente pas la preuve. Non, non, non. C'est pour éviter que les hommes d'armes ne soient tentés de prendre en moi lubrique ou charnelle fantaisie. Quelle langue ? La langue de Jeanne. Le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. C'est incroyable, elle est allée chercher ses mots dans les bois, au long des rivières, dans les cryptes, voilà, et ça donne ça. Et donc, elle subit un examen, alors, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Elle est cinglante, étincelante dans ses réponses, elle renvoie les clercs dans leur sacristie. Et puis, il y a l'examen physique. L'examen physique, oui. Pour vérifier qu'elle n'est pas une illusion chimérique en semblance de femme produite par l'art des démons. Et pour savoir si ces divinations viennent de Dieu ou du diable. Et donc là, on l'examine comme une génisse de ferme, elle dit, dans laquelle on aurait trouvé une malformation. C'est très pénible pour elle. On va visiter ses parties les plus intimes et cette manière d'impudeur lui blesse l'âme. Et puis, un matin, elle apprend que les juges de Poitiers, les examinateurs de Poitiers, considèrent qu'elle est saine de corps et d'esprit. Le rapport est fait au roi qui lui accorde un état. C'est-à-dire qu'elle est traitée comme un général. Un état, c'est-à-dire deux trottiers, deux coursiers, des gens de service, des gendarmes, ce qu'on appelle une maison militaire. Jalousie, évidemment, des capitaines, qui ont 30 ans de métier. Vous imaginez la tête de Xaintrailles, du maréchal Doré, du maréchal de Saint-Sever, de Raoul de Gaucourt, qui sont des fils de soldats, qui ont des... Ça paraît presque impensable, évidemment. Impensable. Et donc, à partir de ce moment, elle fabrique son étendard, frangé de soie, orné de lys. Et son épée de Sainte-Catherine de Fierbois, qui, dit-on, est l'épée de Charles le Martel, qui a été déterrée dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l'autel. Et là, elle entraîne les capitaines. Alors, il y a une scène qui est extraordinaire, qui est peu connue, que j'ai retrouvée dans la tradition orale blaisoise. Elle réunit tous ses capitaines, c'est le beau-duc qui les présente. Chacun incline sa lance. Et puis là, elle leur fait la prise en main, quoi. Donc le cheval ne bouge pas, elle a ses genouillères, elle lève son mésaille et elle leur dit « Messieurs les capitaines, je suis là pour vous commander, nous allons conduire un convoi de ravitaillement pour sauver la population d'Orléans. Et puis ensuite, nous irons conduire le roi à Reims pour son sacre. Je ne veux pas parmi vous de filles folieuses, je ne veux pas d'écorcheurs, je ne veux pas de jurements. Je veux une armée, pas une crapaudaille. » Et là, elle a pris en main ses capitaines qui l'écoutent. Et le seul qui ne veut pas se présenter, il s'appelle Étienne de Vignolles. Et il veut se présenter lui-même. Il ôte son mésaille, il dit Laïr. Laïr, c'est Laïr parce que c'est sa mauvaiseté de caractère qui fait qu'il s'appelle Laïr. Alors il y a la confession de Laïr, je peux juste la dire, la confession de Laïr. Elle entend la confession de Laïr, elle entend mon Dieu, je te prie de faire aujourd'hui pour Laïr ce que tu voudrais que Laïr fît pour toi, si tu étais Laïr et que je fusse Dieu. Magnifique. Ce qui est étonnant, c'est que vous citez tout ça parfaitement de mémoire. On a l'impression que vous êtes complètement immergé dans cette histoire de Jeanne d'Arc. Vous vous êtes plongé en quelque sorte dans cette vieille histoire. Je suis allé partout sur le conseil de M. Philippe Contamine, qui est un grand savant. l'auteur du dictionnaire. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, allez partout, allez au Crotoy, allez partout. Et vous allez peut-être rencontrer des historiens locaux. Et souvent, l'histoire officielle les a trop longtemps méprisés. Ils ont des petits trésors qu'ils vous remettront. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré une bonne cinquantaine d'historiens locaux. J'ai recueilli les pépites de la tradition orale qui portent jusqu'à nous les trésors de Jeanne. Les pépites de la tradition orale, c'est peut-être ainsi qu'il faudrait d'ailleurs résumer effectivement ce grand récit que vous nous livrez, qui a l'air assez poétique en quelque sorte, qui est très littéraire, qui tranche avec l'approche assez souvent un peu froide qu'on peut avoir de Jeanne d'Arc. On a fini par disséquer le phénomène jusqu'à le tuer peut-être d'une certaine manière. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec vous, il vit, hein, elle est là, elle est présente, cette Jeanne. Alors on est obligé d'avancer dans l'histoire, bien entendu. Il va y avoir cette libération d'Orléans, et puis petit à petit on finit par arriver jusqu'à Reims où Jeanne va pouvoir présider d'une certaine manière au sacre du dauphin qui devient le roi Charles VII. Ce qui est étrange, c'est qu'après, eh bien après tout bascule, rien ne va plus, si je puis dire. Que se passe-t-il? Alors, rien ne va plus parce que le roi, après son sacre, se considère comme un roi capétien. Et ce qu'il veut, c'est la paix et l'unité. Or, Charles le VIIe est poursuivi, taraudé par la faute de Montereau, par le crime de Montereau. Il faut dire en un mot, oui. Alors en un mot, il était sur le pont quand, quand on a assassiné, le duc de Bourgogne a été assassiné par ses hommes, en représailles de l'assassinat de Louis d'Orléans. C'est ça. Donc Montereau, c'est 1919, sur un pont. C'est 1419. 1419, oui. Pardon. Pardon. Et là, Montereau, évidemment, les Bourguignons le montre du doigt, le petit dauphin. Et il ne s'en remettra pas. Il est poursuivi par cette faute. Et puis il veut négocier avec les Bourguignons, d'une façon plus générale. Et du coup, non, il n'a qu'une idée. Négocier, c'est-à-dire que Jeanne dit, je veux la paix, une paix française au bout de la lance. Donc bouter les Anglais hors de France. Et lui, et donc gagner Paris après le sacre de Reims. Et lui, sous l'influence de ses conseillers, La Trimouille et Raynaud de Chartres. Et de sa bonne mère, donc cette fameuse Yolande d'Aragon. La fameuse Yolande qui lâche Jeanne après l'avoir soutenue. À ce moment-là, lui dit non, ce que moi je veux, c'est l'unité capétienne. Il veut la paix, même si c'est une paix bourguignonne. Il lâche tout aux Bourguignons. Et donc, Jeanne devient une gêne. Et qu'est-ce qui se passe? L'armée du sacre va être dissoute. Les capitaines vont quitter Jeanne. Les uns après les autres, le duc d'Alençon, Saint-Trailles, Laïr, les soldats qui la regardaient comme invincible voient en elle la figure de l'échec. L'échec de Paris, puis plus tard l'échec de la Charité sur Loire. C'est son échec. Et elle-même doute. Elle doute parce que à Reims, elle a vu son père qui lui a dit « Si jamais tu reviens pas tout de suite, ta mère et moi, nous allons mourir de chagrin. » Donc elle n'a qu'à la tentation aux aides de Venise. Elle a la tentation de Don Rémy. Et donc elle a envie de revenir à Don Rémy. Elle se dit « Je vais rentrer chez moi, finalement. Voilà. » Et puis elle n'entend plus ses voix. Elle n'entend plus ses voix. Et qu'est-ce que fait Raynaud de Chartres et la Trémouille, le gros Georges? Et pour s'en débarrasser, ils lui donnent une mission de sergent de guet pour aller du côté de Saint-Pierre-le-Moutier. Ils essaient de l'occuper, pour parler. Elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue pour sauver le royaume. Et pour bouter l'Anglais hors de France. On sait que Raynaud de Chartres était justement chez Guillaume de Flavy à Compiègne la veille même du jour où elle a été capturée par les troupes de Jean de Luxembourg. Que s'est-il passé à Compiègne réellement? Alors à Compiègne, elle rentre dans la ville et très vite elle en sort. Guillaume de Flavy la prévient, attention en face de vous, vous avez un marécage. Si jamais les chevaux s'aventurent, les hennissements vont alerter l'ennemi. À Dextre, il y a les Bourguignons. Oui. À Sénestre, il y a les Anglais. Et elle n'entend que son cœur, que sa passion, que ses voix, que son audace, puisque ses voix lui avaient dit « Vous serez prise, prenez tout en grès, vous serez prise avant la Saint-Jean ». Donc on est encore dans les temps, et malheureusement, elle est prise dans le piège entre les Anglais et les Bourguignons. Elle se retourne pour rentrer dans la ville, et quand elle se retourne pour rentrer dans la ville, elle entend une voix qui hurle « Abaissez la herse !» Elle ne reconnaît pas cette voix. Est-ce que c'est la voix de Guillaume de Flavy? Personne ne peut le dire. Personne ne peut l'accuser. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une volonté? Ça a l'air quand même. Est-ce que c'est une trahison? Oui, ça a l'air bien rodé pour un accident, vous avouerez. C'est un accident qui évidemment, arrange les Anglais et les Bourguignons. Et là, elle est prise. Elle est prise, mais pendant quelques instants, et même pendant plusieurs mois, elle se dit, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, moi, dans les pièces que j'ai trouvées, elle se dit, bon, j'ai encore une chance. Parce que il y a les lois de la chevalerie. Je suis prisonnière de guerre. On va la racheter. Tant que je suis entre les mains des Bourguignons, peut-être qu'on va venir me chercher. Elle se dit, le roi va venir. C'est pas possible. Elle attend le roi. Elle attend l'Aïr. Elle attend son chapelain, Jean Pasquerel. Elle attend que Saint-Traille. Elle attend, et personne ne vient. Et puis un jour, elle apprend, je suis vendu pour 10 000 francs. Je suis vendu. Une somme relativement modeste, hein, il faut une dire. Une somme relativement modeste. Je suis vendu. Elle n'est plus prisonnière des guerres. Elle va être déclarée sorcière. Ça change tout. Parce que c'est un tout autre procès. Si elle est sorcière, c'est un procès d'église et elle risque le bûcher. Et donc, elle passe des geôles bourguignonnes, le Crotoy, à Rouen, les geôles anglaises, les houspailleurs anglais qui la tiennent dans son cachot. Avec des juges qui sont parisiens, il ne faut jamais oublier de le dire, bien que ce soit les Anglais qui occupent qui occupent Rouen, bien entendu, et la Normandie. Le plus impressionnant dans ce parcours, n'est-ce pas les réponses que Jeanne apporte lors de son procès, nous demande Patrick. C'est vrai que c'est magnifique, là vous parliez d'inspiration, quelle inspiration hein. Alors d'abord, il faut savoir que le procès, l'instrumentum, on l'a par Cochon, hein. Donc, évêque Cochon. Bon, et quand même, c'est un procès organisé par les Anglais, voulu par les Anglais, truqué par les Anglais, corrigé par les Anglais, puisque Cochon, il travaille pour les Anglais. Et malgré tout, les réponses de Jeanne sont absolument magnifiques. Mais je pense que les pièces sont plus ou moins truquées, en certains endroits, notamment sur le moment de l'abjuration, parce qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport qu'on en a n'est pas crédible, d'après vous, pas entièrement. Je crois qu'elle n'a pas révoqué ses voix. La preuve, c'est qu'elle a signé, elle savait signer. Or là, elle a mis une croix. Et quand elle avait dit, quand je mettrai une croix, il ne faudra pas me croire. Elle met une croix et un rond, et dans toutes les pièces, on trouve... Alors qu'elle savait signer de son nom, en voilà. plus. Hein. Et une fois qu'elle a signé d'une croix, c'est ce qu'elle fait, Franck Ferrand. Elle rit. Elle regarde Cochon et elle rit. Ça veut dire, je vous ai bien eu. Et c'est ce que les voix vont lui reprocher. Elles vont lui dire, pardon de parler en langage moderne, il fallait pas finasser, Jeanne, c'est pas de votre niveau. J'ai encore énormément de questions à vous poser, Philippe de Villiers, mais je vois qu'il est largement le temps de nous quitter. Hélas, c'est passé très vite. Le roman de Jeanne d'Arc s'est édité chez Albin Michel. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie. Elle vit à Saint-Nazaire, nous envoyer sa question par mail sur europe1.fr. Elle souhaite savoir depuis quand a-t-on commencé à donner des noms aux rues ? Depuis le Moyen-Âge, justement. C'est un peu vague, hein, bien entendu. Bien souvent, c'était l'usage et l'habitude qui avaient donné des noms aux rues. On parlait de la rue du Pont, de la rue de l'Église, la place des Abattoirs. Enfin, c'est comme ça que ça se passait. Et puis, petit à petit, on va se mettre au tournant du XVIIe siècle, c'est sous le règne d'Henri IV, en fait, à donner des noms de marchands, d'échevins, de propriétaires, bien souvent. Vous savez, ces rues dont on a perdu complètement jusqu'au sens, bien souvent, sont tout simplement les rues du nom des propriétaires des terrains sur lesquels elles ont été bâties, ou des propriétaires des maisons qui bordaient ces fameuses artères. Jusque-là, donc, on va dire jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, au moins jusqu'au règne de Louis XV, il n'est pas question de donner des rues d'honneur, en quelque sorte. Hein, il ne s'agit pas de rendre hommage, il s'agit simplement de s'y repérer. Alors on donne le premier nom qui vient, celui qui paraît le plus évident, celui qui tout simplement a été le plus souvent consacré par l'usage. Et puis, au moment de la Révolution, alors là, vous savez d'abord qu'on va débaptiser toutes les rues saint ceci et saint cela, il n'y a plus de rues, toutes les rues perdent leur saint, si je puis dire, et puis on se met à rebaptiser les rues au profit des idéaux du moment. Alors on va trouver la rue de la liberté, de l'égalité, évidemment, les places des droits de l'homme, etc. Toutes ces rues vont prendre les noms des grandes batailles de l'Empire pendant l'épopée napoléonienne, ça aussi, ça joue un rôle essentiel. Certains nombres sont restés d'ailleurs. Sous le Second Empire, encore un demi-siècle plus tard, on aura tendance à continuer ça. On va avoir énormément de rues de Solferino, etc. Enfin, tout ce qui rappelle les grands exploits militaires de ce régime. Et puis, Et puis, de plus en plus, on va donner des noms de rue à de grands personnages. Plutôt, on va donner le nom de grands personnages aux rues. Ça se développe sous le Second Empire et puis surtout à partir de la Troisième République. Alors là, vous savez qu'on a tous ces noms. Ce qui est assez amusant, c'est que le moindre sénateur de la Troisième République a sa rue. Parfois, d'ailleurs, de très belles avenues. Hein. Ça nous paraît, nous, maintenant, presque un peu excessif. La Première et surtout la Seconde Guerre mondiale vont ajouter leur couche, si je puis dire. Les rues vont porter de plus en plus le nom de grands combattants, le nom de résistant, bien entendu. Vous savez que c'est un des apanages des communes, hein, de nommer les rues. Ça appartient à une section du conseil municipal. Ce qui fait qu'on a encore, prenez dans la ceinture rouge de Paris, vous avez encore, à l'heure où je vous parle, des rues Lénine, des rues Staline, tout près là de Paris.